Seigneur, bienvenue. Béni le Seigneur, grâce à ti, dis Seigneur, non. Et dis ta frère, voyez bien, voyez. Viens, bon Mosè. Yeah.